11:38, activation orale, verbe réfléchi. 1. S'habiller. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Ton pull vient de prise unique. Et vous répondez. Non, je m'habille chez Dior. Vous pouvez substituer le couturier de votre choix, Saint-Laurent, Lanvin, Cardin, Givenchy, Cacharel. 2. Vos vêtements viennent de prise unique. Non, nous nous habillons chez Dior. 3. Le pull de Colette vient de prise unique. Non, elle s'habille chez Dior. 4. Les jupes de tes cousines viennent de prise unique. Non, elle s'habille chez Dior. 5. La jupe de ta mère vient de prise unique. Mais non, elle s'habille chez Dior. 6. Oh, vous avez de jolies jupes toutes les deux. Elles viennent de prise unique. Non. Nous nous habillons chez Dior. Oh. 7. Et moi, vous pensez que ma jupe vient de prise unique? Oh non, vous vous habillez chez Dior. 2. Se tromper. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Jean-Pierre pense que Mireille va dire quelque chose. Et vous répondez. Mais il se trompe. 2. Mireille espère que Jean-Pierre va s'en aller. Eh ben, elle se trompe. 3. Moi, je crois que Robert va rencontrer Mireille au Luxembourg. Eh bien, tu te trompes. 4. Vous pensez que ça va être un roman d'amour? Vous vous trompez. 5. Tu crois que nous allons avoir un crime dans l'histoire? Eh bien, tu te trompes. 3. Se lever et s'en aller. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Ce type m'ennuie. Et vous dites. Je me lève et je m'en vais. Voilà. 2. Ce type ennuie Mireille. Elle se lève et elle s'en va. 3. Il y a un type qui ennuie Mireille et sa sœur. Elles se lèvent et elles s'en vont.